terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit. Elle est terrible aussi la tête de l'homme. Café arrosé, rhum, œuf crème, café crème 2 euros. Une tête couleur de poussière. Il imagine une autre tête. Il est 6 heures du matin, il se regarde dans la glace du grand magasin. Un peu plus loin le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Œuf dur, café crème, café arrosé, rhum, œuf crème, café crème 2 euros. Café arrosé, rhum, œuf crème, café crème 2 euros. Un café arrosé, 0,70€. Deux tartines beurrées. 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui est seul. Café arrosé, rhum, œuf crème, café crème 2 euros. Café arrosé, rhum, œuf crème, café crème 2 euros. Café arrosé, rhum, œuf crème, café crème 2 euros.